بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، سندخل سيزيام كور والتور دو لا رسالة سون إمينون الشيخ ربيح حفظه الله تعالى دون لو تيتخي دون لا فوا دون الدعوة إيا لا ساجيس إي لا غيزون دون لا فوا ديال الدعوة دي بروفيت عليهم الصلاة والسلام. نسوم أغيتي و dans le passage où Cheikh il nous dit que le Hizbi n'était pas d'accord, n'était pas réjoui de ces livres, car ce livre ne va pas dans leur sens quand ils se sont réjouis de l'avènement de l'État Khomeini et de l'État de Torabé au Soudan. Et Habibullah Ta'ala, dans le passage auparavant, il nous a défini ce que c'est que le Hakimiya, et que l'État et le pouvoir n'est pas un but en soi, et que c'est un moyen pour l'accomplissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a détaillé aussi les différents états islamiques, les trois, hein, différents, les trois façons, et les, comment les trois façons dont se composent les trois différents états islamiques. وَوَقَفْنَا عِنْدَ هَذَا الْمَقْطَعْ يَقُولُ الشَّيْخ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى هذا الذي أقوله يجري في حق الحكام والمحكومين والأفراد والجماعات، وقد قرر ذلك علماء الإسلام المعتبرون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في منهاج السنة في هامش الصفحة. كتب الشيخ في منهاج السنة في الصفحة 32 في المجلد الثالث فما بعدها، حيث بين أي شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يلتزم بحاكمية الله فهو كافر، وبين عموم ذلك في الأمور العلمية والعملية. Donc, dans ce passage que nous entamons maintenant, dit que le fait d'accomplir la législation de l'Azawajal, ceci concerne les gouverneurs et les gouvernés, les individus et les groupes. Et ceci a été confirmé par les savants de l'islam, les savants considérés de cette communauté. Et fait partie d'eux, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, ainsi que son élève Ibn al-Qayyim. Il marque une phrase d'Ibn Taymiyyah dans Minhaj Sunna, à la page 3, à la page 32, dans le volume 3 du Minhaj Sunna Nabawiya, et où il a que Cheikh l'Islam a éclairé sur le fait que celui qui n'approuve pas la hakimiyat Allah subhanahu wa ta'ala et n'y croit pas, celui-là est un mécréant. Et que ceci est général, que ce soit pour les actes ou là pour des domaines scientifiques, pour des domaines du savoir. Parce qu'il faut comprendre une chose, le terme d'iltizam, c'est l'approbation du cœur avant tout. que nous allons voir par la suite. ويقول الشيخ حفظه الله فمن يلتزم بهذه الحاكمية في أصول الدين وفروعه في أصول الدين وفروعه في العقائد والعبادات في العقائد والعبادات والمعاملات وفي السياسة والاقتصاد والأخلاق والاجتماع فهو المؤمن. Donc, Allah Azza wa Jal est cher de nous dire dans ce paragraphe, et celui qui n'accepte pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'hakimiyya dans les fondements de la religion et dans les branches de cette religion, que ce soit et dans les croyances, dans l'adoration, dans le comportement, dans la politique, dans l'économie, dans le comportement, dans celui qui l'accepte, dans tout ça, dans la religion, dans les fondements de la religion, dans les détails, dans les croyances, dans le comportement, la politique, l'économie, etc., et dans l'union, etc., celui-là, c'est le croyant. وَيَقُولُ وَمَنْ لَا يَلْتَزِمُهَا فِي الْكُلِّ أَوْ فِي الْبَعْضِ فَهُوَ الْكَافِرُ فَرْضًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً حَاكِمًا أَوْ مَحْكُومًا دَاعِيَةً أَوْ مَدْعُوًا. Il dit, celui qui n'accepte pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ou dans certaines parties, celui-là c'est les mécréants, qu'il soit individu ou groupe, qu'il soit gouverneur ou gouverné, qu'il soit prêcheur ou celui qu'on prêche. Wa wallahi inna yaqulu ash-shaykh wa wallahi innani akhsha ala katirin min al-firaq wal ahzab wal afrad min al-wuqu' fi al-kufr haythu la taltazimu bi hakimiyyati Allah في أصول الدين بل في فروعه بل وفي فروعه أخشى على كثير منهم ممن قامت عليه الحجة وتبين له الحق ثم يصر على مناهضة الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وإلى مناهضة أهلها ومنابذتهم وتأليب الناس عليهم وتنفير الناس منهم ومن دعوتهم دعوة الأنبياء والرسل والمصلحين المخلصين الصادقين فيقع بعد قيام الحجة عليه في هوة الكفر. Il dit, حفظه الله تعالى, par Allah, je crains pour beaucoup de groupes, beaucoup de partis et beaucoup d'individus de tomber dans la mécréance parce qu'ils n'acceptent pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les fondements de la religion ou dans les détails de la religion. Je crains pour beaucoup parmi eux sur lesquels on a accompli, la hujja a été accomplie, lequel la hujja a été accomplie et que la vérité est apparue claire devant eux et ils s'entêtent à faire la guerre à la da'wah au monothéisme et à faire la guerre au fait de combattre l'associationnisme et les innovations et à faire la guerre et à prendre position contre ceux qui appellent au monothéisme et ceux qui combattent l'associationnisme et qui combattent les innovations et ils excitent les gens contre eux. Ils excitent les gens contre leur da'wah, qui est la da'wah des prophètes et qui est la da'wah des réformateurs sincères, véridiques. Et il dit, il craint pour tout cela après l'accomplissement de la preuve qu'ils ne tombent dans la mécréance. Fa akhar islam, huna al-shaykh kallamaka 'an al-hakimiyya. والحاكمية معناها أخي الإسلام أن تحكم شريعة الله وأول شيء يجب أن تحكم فيه التوحيد قبل تحكيمها في الزنا والسرقة وغيرها. فالذي لا يحكم شريعة الله في التوحيد كيف يرجى أن يحكمها في غيرها. شيخ نبار دي الحاكمية. Vous allez savoir ce que c'est que ce terme après. الحاكمية c'est le fait de mettre en application la législation de الله سبحانه وتعالى. Et la première des choses dans laquelle nous devons mettre en application, dans laquelle il est obligatoire pour nous Mettre en application les lois d'Allah, c'est d'abord dans le monothéisme. Avant les sentences qui sont les sentences de l'adultère ou du vol, d'abord on doit accomplir la loi d'Allah dans le monothéisme. Celui qui n'accomplit pas la législation d'Allah dans le monothéisme, comment veux-tu qu'il l'accomplisse dans autre chose? Le monothéisme, c'est le droit d'Allah. Donc, il est obligatoire que cette hakimiyya de laquelle parle ces hizbi, ils doivent l'accomplir d'abord dans le monothéisme. والحاكمية أخ الإسلام ليست هي أصل الدين ولكنها من مكملات التوحيد وواجباته. الحاكمية خلقنا الله سبحانه وتعالى ce n'est pas la base de la religion, mais il fait partie des choses qui vont compléter le monothéisme et des choses et des obligations du monothéisme. والحاكمية بمعناها العام تشمل الدين كله بداية من التوحيد وحتى إماطة الأذى عن الطريق. Et la hakimiyya dans son sens général, frère en Allah Azza wa Jal, qui concerne toute la religion, en commençant par le monothéisme, jusqu'au fait d'enlever un mal qui dérange sur la route. Ça, c'est le sens de la hakimiyya, c'est les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et c'est son sens dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam dont la voix de le plus humble Allah alayhi. Fa'aula illa dina yutalibuna bitahqiq al-shari'ati fi al-hudud mutalabuna bitahqiqa fi aqidatihim wa manhajihim wa ya'jazuna anhu wa la yaqbaluna wa ma'a hadha yutalibuna al-akharin bitahkim al-shari'ati fi al-hudud wa hadha dalil ala 'adam fahmihim lil-islam wa 'adam fahmihim li da'wati al-anbiya al-fahm as-sahih. Quant à ceux qui demandent qu'on accomplisse la législation d'Allah dans les sentences, il leur est demandé avant tout d'accomplir la législation d'Allah dans leurs croyances, dans leur voie. Ils sont incapables et ils ne l'acceptent pas. Et ainsi, malgré tout ça, ils demandent aux autres d'accomplir la législation dans les sentences. Et ça prouve leur mauvaise compréhension de l'islam et qu'ils n'ont pas compris comme il se doit la da'wah des prophètes alayhi salatu wassalam. Regarde combien d'eux qui rendent mécréants les pays de l'islam et les gouverneurs du pays de l'islam, et que eux, ils n'accomplissent pas la législation de Allah, puisqu'ils disent à leurs disciples, allez, volez, faites des braquages de banques, etc. On ne vous demande pas de voler Carrefour, des biscuits à Carrefour, de braquer des banques, etc. Ils incitent à la trahison, au vol, ils délaissent la prière en groupe, ils rasent leur barbe, ils traînent leurs pantalons par terre, ils disent ça, ce sont des signes de sécurité pour fondre dans la masse. Cela, et toute la journée, ils ne font que parler ta route. Alors qu'ils n'accomplissent pas la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux-mêmes. Et ils sont là, ils vivent au milieu de mécréants, ils appellent à les trahir et à les voler. Regardez ces contradictions, frères en Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَسْأَلَةُ الْحَاكِمِيَةِ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ بِمَفْهُومِهَا السِّيَاسِ لَيْسَتْ هِيَ أَصْلُ الدِّينِ وَالْحَاكِمِيَةُ بِمَفْهُومِهَا الْعَامِ تَشْمَلُ الدِّينَ كُلَّهُ مِنْ أَعْلَى شُعْبَةٍ وهي قول لا إله إلا الله إلى أدنى شعبة وهي إماطة الأذى عن الطريق. فهنا الله عز وجل le sujet de l'hakimiyya, le sens de l'hakimiyya tel qu'il est pratiqué et tel qu'il est compris et tel qu'il est propagé par ces activistes, ce n'est pas l'origine de la religion ni la base de la religion. Mais l'hakimiyya, son sens général, englobe toute la religion. Puis, là, il a l'Allah jusqu'au fait d'enlever le mal sur le chemin. Jusqu'au dernier détail, qui est le fait d'enlever le mal sur le chemin. والسياسة في الإسلام حقوق التوحيد ومكملاته وواجباته والذين يصورون الحاكمية للناس بمعنى السياسي بأنها فقط بأن الحاكمية بمعنى السياسي أنها أصل الإسلام فهذا خطأ فاحش، وليس هذا من منهج الأنبياء في شيء. كونت السو لا لا بوليتيك فرير ولا الله عز وجل في بارتي دي دغوا دي مونوتيسم et des choses qui complètent le monothéisme et des choses qui complètent qui sont des, qui il fait partie des obligations du monothéisme. Quant à ceux qui font imaginer aux gens que le Hakimiya dans son sens politique c'est l'origine de l'islam, ceci est une erreur blâmable et ça ne fait pas partie de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Le Hakimiya tu ikhwat al-islam مصطلح محدث في هذا الزمان والله عز وجل لم يذكرها في القرآن، ولكن قال إن الحكم إلا لله، وذكر أن الحكم أنه هو الحكم وأنه يحكم، فكلمة الحكم في الكتاب والسنة ليست هي مفهوم الحاكمية المعاصرة المشهورة الآن. الحاكم يذكر الله عز وجل كتلو شاس إتان تغم كي إنوفي أنوخيبتوك. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas cité dans le Coran al-Hakimiya. Mais il a parlé, in il-hukmu il-Allah, la loi appartient à Allah, le jugement appartient à Allah. Et il a dit aussi, il nous a parlé comme quoi il est le juge, et que c'est lui qui le juge. Donc, al-hukm, il existe dans le livre d'Allah et dans la sunna. Mais pas dans. Il ne va pas dans le sens de la Hakimiya contemporaine qui est connue maintenant. Ce n'est pas le hukm dans le Coran et dans la Sunna n'a pas le sens de la Hakimiya autour duquel parle et n'arrête pas de parler les Tikfiri, les Sorori, les Qutbi. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُدَنِّجُونَ حَوْلَ الْحَاكِمِيَّةِ إِنَّمَا يُتَابِعُونَ فِي ذَلِكَ الْفِرْقَةَ الشِّيعِيَّةَ الْجَعْفَرِيَّةَ الْإِمَامِيَّةَ الَّتِي هِيَ الرَّافِضَةُ حَيْثُ اخْتَرَعُوا كَلِمَةَ الْإِمَامَةِ ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْهُمْ الْمَوْدُودِ ولمعها ولذلك المودود كان يحب الخميني حبا كثيرا وأثنى عليه ووصفه بالزعيم الإسلامي ونصح زعماء الحركات الإسلامية بالذهاب إليه وبإعانة الدولة الإيرانية. خير الله عز وجل سكن غير طال طال الحاكمية يشوف دون سولا la voix ديال الرافضة la voix de la secte ديال الشيعة qui croient en 12 imams. C'est eux qui ont innové ce mot. Et ce mot, son origine, c'est l'imam chez Rafida. Ce terme, l'imam, dit Rafida, l'a pris d'eux le Pakistanais, le fondateur du Jamaat Islamia au Pakistan, qui s'appelle Maududi. Il l'a embelli. C'est pour ça que le Maududi aimait beaucoup le Khomeini. Il a fait beaucoup d'éloges à Khomeini, et il l'a désigné comme quoi le leader islamique. Et il a conseillé à tous les leaders, et tous les activistes, et ceux qui sont à la tête des mouvements islamiques, d'aller vers le Khomeini, et d'aider le Khomeini, et d'aider l'Iran. Au moment où il y a eu l'avènement de la République, soi-disant islamique. Fasl al-Hakimiyati akhal islam tam'an hada jayidan. L'imam al-Shi'iyya. ومسألة الإمامة عند الشيعة هي أعظم مسائل الدين، وطبعا أول من نادى بها تذكر هذا جيدا أخي عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي زعم أنه أسلم، ثم جاء ابن السوداء هذا إلى الحجاز وقال للناس أنتم مغفلون، ما هذا الذي تتكلمون فيه؟ لما توفي نبيكم تآمر أبو بكر وعمر في السخيفة ضد علي وشغلوه بغسل النبي من أجل أن يتفردوا بالحكم. فقال الله عز وجل je veux que Dieu me dise l'origine de ce terme الحاكمية. Son origine c'est l'imam chez الشيعة. Le sujet de l'imam chez الشيعة c'est le sujet le plus important et le fondement de leur religion. Et naturellement le premier qui a appelé vers l'imam c'est Abdullah ibn Sabah, le juif yémanite, qui a prétendu être musulman. Et ce fils de la femme noire est venu vers le Hijaz. Il a dit aux gens, vous êtes insensé, Thomas. C'est quoi, pourquoi vous parlez ainsi? De quoi vous vous équipez? Sachez que quand votre prophète est mort, Abu Bakr et Omar ont mal négocié contre Ali et ils ont donné une occupation à Ali qui est le fait de laver le prophète pour qu'il prenne le pouvoir. Écoutez bien, ce stratagème, comment il est? Et l'origine de l'imamat, d'où il vient? فالإمامة فكرة مسمومة أصلها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام وبدأ هذا الخبيث يبث سمومه في الأقطار الإسلامية باسم الإسلام فنشأت هذه الفرقة التي تطالب بنصرة علي ونصرة حقه الضائع حتى وصل بهم الأمر أنه ليس فقط أحق بالخلافة وأولى بها من أبي بكر وعمر بل إنه أحق بالنبوة والرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم ووصل ببعضهم إلى أن قالوا هو الله ففعلوا في علي كما فعل النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام وفعل الله عز وجل الإمامة c'est une pensée empoisonnée et c'est une idée empoisonnée. Son origine c'est Abdullah ibn Sabah, le juif qui a prétendu être musulman. C'est impur à injecter son venin dans les pays de l'islam au nom de l'islam. Il s'est constitué, à partir de ses idées, ce groupe qui demande le fait de triompher à Ali et de rendre son droit à Ali, soi-disant son droit spolié. Et la situation ne s'est pas arrêtée là tout simplement dans le fait de dire que c'est Ali qui mérite la khilafa, c'est aller plus loin. Et il ne s'est pas arrêté tout simplement que Ali est plus prioritaire à être calife qu'Abu Bakr Omar, mais ils ont dit que Ali c'est lui qui méritait la prophétie. Ils sont tombés dans la même énorme erreur dans laquelle sont tombés les juifs, c'est-à-dire, ils ont dit que Jibril, hein, s'est trompé. Et que Ali mérite, c'est lui qui méritait la prophétie. Et certains parmi eux, une certaine fraction de ce groupe, est allé à dire que Ali c'est Allah. Ils ont fait de Ali ce qu'ont fait les chrétiens de Isa alayhi salatu wassalam. ولما تابع علي بعض هؤلاء رضي الله عنه بعض هؤلاء قالوا له أنت هو قال ما هو قالوا أنت الإله فقال قولته المشهورة لما رأيت الأمر منكرا أججت ناري ودعوت خنبرة فأمر بالأخاديد وإلقائهم في النار فقالوا بجهلهم ما ازددنا بك إلا بصيرة لا يعذب بالنار إلا رب النار. Et quand Ali a pourchassé certains parmi eux, mon donné lui dit أنت هو tu es هو. Dit c'est quoi هو? Ils ont dit tu es la divinité, tu es Allah. Et il a dit ça, cette parole qui est rentrée dans l'histoire, qui est connue. Et quand j'ai vu que la situation était blâmable, j'ai allumé le feu. Et j'ai appelé Khunbura. Khunbura, c'est l'un de ses serviteurs. Et il a ordonné à ce que le feu s'allume et à les jeter, quand ils ont dit qu'il était Allah, à les jeter dans le feu. Et avec leur ignorance, quand ils ont été jetés dans le feu, ils ont dit, nous avons eu que plus de clairvoyance sur ta situation. Car je châtie avec le feu que le souverain des feux. Regardez à quel point. فالحاصل أن الروافض دخموا قضية الإمامة وجاء في عصرنا المودود فعظمها كما ستسمعون من نقول الشيخ ربيع عن هذا الرجل وجعلها أهم مسائل الدين وأهم مسائل الإسلام. ثم جاء سيد قطب فأخذها عن المودود وسماها الحاكمية أخذها من المودود وبدلا من الإمامة سماها سيد قطب الحاكمية. أريد منكم الآن منكم يا شباب أن تتأملوا معي جيدا سلسلة هذا المصطلح الذي جر على الشباب الويلات عبد الله بن سبأ الجعفري الإمامية أي الروافض المودودي سيد قطب سلسلة مظلمة فانتشرت هذه الكلمة في الدنيا بمفهومها السياسي الذي هو مفهوم الزعامة والسلطة. Il en résulte, frère en Allah, Zawajal Sheikh Rafida, on grossit ce terme et ce sujet d'Yal Imam, hein, ils lui ont donné une énorme importance. Et à notre époque est arrivé le Maududi, il lui a donné une importance à ce terme Imam, hein, il l'a embelli, comme nous allons l'entendre de la parole de Cheikh Rabih Hafidhahullah Ta'ala. Et cet homme a fait que l'imam est l'un des plus importants, le plus important sujet de la religion. Et après est arrivé Sayyid Qutb qui a pris l'idée de l'imam de Maududi et lui a donné, il l'a transformé, lui a donné le nom de l'Hakimiyya. Maududi, Sayyid Qutb l'a pris directement de Maududi. Et au lieu de garder le nom imam, il l'a appelé l'Hakimiyya. Maintenant, je veux, frère Allah Azza wa Jal, que vous méditez cette chaîne noire du terme Al-Hakimiyya. Ce terme qui a traîné la jeunesse musulmane depuis les années 60 dans les prisons et à être massacré et à faire n'importe quoi. Ce terme a attiré le malheur sur la jeunesse de l'islam. Regardez la chaîne de transmission, cette chaîne de transmission noire, il commence par Abdullah ibn Sabah. Il Ja'fariya al-Imamiyya, c'est-à-dire Rafida, il Maududi et Sayyid Qutb, pour arriver à la fin, à Sorour Zinti al-Abidin, celui qui est en Angleterre. Regardez cette chaîne noire. Et ce terme a été propagé, l'Hakimiyya, dans le monde, avec sa définition politique, qui est le gouvernorat. Et le leadership, et le fait de prendre le pouvoir, propagé par les Qutbi et le Sururi à travers le monde. Amma al-hukmu fil kitabi wa sunna, fama'naahu a'am, a'am. Kalimat in al-hukmu illa lillah, tashmalu talatata aqsam ikhwata al-islam. Ahfaduha jayidan. Allahu huwa al-hakam qadaran wa kawnan. فالكون كله محكوم بأقدار الله فهذا المعنى الأول المعنى الثاني الله حكم شرعا وتكليفا فله الحكم بالتكليف والشرع والمفهوم الثالث الله هو الحكم يوم القيامة حسابا وجزاء فعندما نقول إن الحكم إلا لله فالحكم يشمل هذه الأمور الثلاثة. Quand Allah Azza wa Jal compte aux lois et aux jugements dans le livre et dans la sunna, quand Allah compte le jugement dans la sunna, sa signification est beaucoup plus grande que ça. Le verset qui dit « Et le jugement appartient à Allah » englobe trois choses à la fois. Allah, c'est lui qui décrète dans l'univers ce qui doit y être. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide de tout ce qui va être dans cet univers. Et tout cet univers est géré par ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala décide ce qu'il veut dans cet univers. Ça, c'est la première signification. Tout ce qu'il y a dans cet univers, il est dans cet univers que par Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé que ça soit ainsi. Et ça ne peut pas être autrement. Deuxièmement, Allah est le juge par la législation. C'est lui qui dicte aux gens et qui donne les ordres aux gens de faire et de ne pas faire ce qui est halal, ce qui est haram. Donc, la législation est à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui a légiféré tout ce que les humains et les génies doivent faire. Les ordres viennent min Allah. Les interdictions viennent min Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété comment doivent vivre les gens, comment ils doivent l'adorer, comment doivent être les sentences entre eux, et ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième définition. La troisième définition, Allah, c'est le juge, le jour de la résurrection. Il y aura les comptes, il y aura les récompenses ou le châtiment. Donc quand on dit que le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, ça englobe ces trois choses. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui juge, qui doit être dans ce monde. Le monde que nous connaissons et le monde que nous ne connaissons pas. Et qu'ils sont gérés par ce que Allah subhanahu wa ta'ala, par les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a décrétées. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décrète les législations et ce que les humains et les génies doivent mettre en application. Troisièmement, là, c'est le juge, le jour de la résurrection, où il y aura les comptes, la récompense ou le châtiment. Et quand on dit que le hukm, il est à Allah, le jugement est à Allah, il englobe ces trois choses à la fois, frère en Allah, Azza wa Jal. والحكم لله شرعا يشمل الدين كله من اوله التوحيد الى اماطه الاذى عن الطريق وليس كما يقتصر هؤلاء عن فهم سياسي فقط كنت au jugement d'Allah au niveau de la législation il englobe toute la religion du sommet et du fondement de cette religion qui est le monothéisme jusqu'au fait d'enlever le mal du chemin et non pas comme l'arrête ces activistes, ils l'arrêtent à la définition politique tout simplement. والحاصل أن هذه سلسلة الحاكمية انتهت أخيرا بمحمد سرور في لندن وفرقته السرورية. فهذه السرورية ما هي إلا امتداد للقطبية التي هي امتداد للمودودية. فالحاكمية بدأت بالإمامة مع المودودي وأصبحت الحاكمية مع سيد قطب ثم حولها محمد سرور إلى تنظيم حركي. وهذا محمد سرور وصف أنبياء الله أنهم دعاة إلى الانقلابات والثورات وأن كل نبي من الأنبياء كان يواجه الحكام في زمانه وأنه كان يسعى إلى الثورة والانقلاب وما لا إلى ذلك وصفهم بأن كل دعواتهم تهيجية وانقلاب في كتابه الذي سماه منهج الأنبياء وهذا طبعا كتاب سيء للغاية حذر منه العلماء ويجب أن تحذروه وتحذروا منه ومن كاتبه كما فعل أهل العلم بارك الله فيكم مفهوم الله عز وجل il en résulte que la chaîne de la حاكمية هذه à la fin elle s'est terminée à la fin de la chaîne il y a Mohamed Sourour et son groupe les Sourourites qui sont à London donc le siège est à London en Angleterre vous voyez un petit peu le mal d'où il est exporté. À Paris, vous avez ce qui rend tous les gouverneurs du pays de l'islam tawaret et qui disent que les hommes de science sont des tawaret. Et à London, vous avez ceux, les sororis. Donc, les sororias, ce n'est qu'une continuité des Qutbis. Et c'est une continuité, elle-même, la Qutbia est une continuité de la Maududia. Donc, le Hakimia qui a commencé avec Abdullah ibn Saba et qui est passé à Rafida. Et qui est arrivé à Maududi, et l'imama, qui a commencé avec le Maududi, qui l'a prise d'Yar Rawafid, qui l'ont pris d'Abdullah ibn Saba, cet imama de Maududi est devenu le Hakimiya chez Sayyid Qutb, et après Mohamed Sarour l'a transformé, et il a fait de le Hakimiya un mouvement, et un mouvement bien organisé, bien structuré, avec lequel il cherche à renverser les pays musulmans ou avoir un pouvoir de quelque part dans le monde musulman. Ce Mohamed Sourour lui-même, qui a désigné les prophètes d'Allah comme quoi, les prophètes d'Allah ce sont des gens, des révolutionnaires. Et que tout prophète a fait face au gouverneur de son époque. Et que tout prophète est venu pour faire une révolution. Et il les a tous désignés comme quoi leur da'wah, c'était une da'wah d'excitation et de révolte dans un mauvais livre qu'il a appelé « La voix des prophètes ». Et ça, naturellement, c'est un livre qui est très mauvais. Et les hommes de science ont répliqué à cet homme et ils ont averti contre son livre et ils ont averti contre son livre. Donc il faut faire très attention à ce livre. Il faut avertir comme l'ont fait les hommes de science de son auteur et de son livre. فمحمد سرور بن نايف زين العابدين المقيم بلندن حول الكلمة حول الحاكمية إلى تنظيم حركي يحاول من خلاله أن يتغلل في كل الأنظمة في بلاد الإسلام من أجل الوصول إلى غرضه النهائي الذي هو السلطة بزعم أنهم يريدون إقامة حكم الله. Mohamed Sourour bin Naïf, Zil Abidi, le fondateur d'Yel Sourouria, il a transformé, il a aménagé, il a embelli le mot Hakimiya, il l'a transformé en mouvement. Et par l'intermédiaire de ce mouvement, il essaye de renverser les États islamiques pour arriver à un but qui est le pouvoir. soi-disant qu'ils veulent accomplir les sentences d'Allah et les lois d'Allah. Wa ulama al-salafiyya حفظهم الله يقولون إن حكم الله يشمل الدين كله من أعلى شعبة لا إله إلا الله إلى أدنى شعبة إماطة الأذى عن الطريق. إساسك أن الله عز وجل كل السابون دين دينو لسيد ودي السلف كي إلى سلف هي الله سبحانه وتعالى لبروتج que nous fassent profiter de leur science, disent que ce soit les anciens, que Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde, ou les nouveaux, que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, et qu'il allonge leur vie dans la défense de la voie de le plus élevé Allah alayhi, ils disent que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toute la religion. De la ilaha illallah jusqu'au dernier détail qui est le fait d'enlever le mal sur le chemin. فدعوة السلفيين يا إخوة الإسلام من بداية شعبة التوحيد حتى أصغر شعبة في الإسلام. دونك لا دعوة ديال السلف رضي الله عليهم سي il commence par le monothéisme, il commence par le monothéisme jusqu'au dernier, jusqu'au mal qu'on enlève sur le chemin. فحذار إخوة الإسلام الانخداع بهذه المصطلحات البراقة واحذروا ما حذركم منه العلماء الربانيون احذروا كتب سيد قطب واحذروا محمد سرور وكتبه والمودود وكتبه لأنها امتداد لفكر ومنهج الخوارج وهؤلاء الحركيون يقول لهم أهل العلم حكموا الشريعة في التوحيد فهي أولى مما تدعون إليه فالتوحيد هو أصل الدين. Faites très attention, frère en Allah Azza wa Jal. Faites très attention, frère en Allah Azza wa Jal. Faites très attention, frère en Allah Azza wa Jal. De ces lexiques que vous entendez, de ces bons noms que vous entendez, faites très attention à ces noms. L'Hakimiya, hein, et tout ce qui s'ensuit. Et faites très attention aux choses desquelles les hommes de science vous ont averti. Les hommes de science vous ont averti. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention et prendre en considération les avertissements que les hommes de science vous donnent, frère en Allah, Azza wa Jal. Les hommes de science vous ont averti contre eux. Les livres de Sayyid Qutb, de Mohamed Qutb, de Mohamed Sourour et le Maududi, qui sont en réalité une continuité, une poursuite et une suite de la voie d'El Khawarij. Et ces activistes, les hommes de science leur disent, accomplissez la sentence d'Allah, la législation d'Allah, dans le monothéisme. C'est la priorité des priorités. Et c'est plus importante que les choses vers lesquelles vous vous appelez. Car le monothéisme, c'est la base de la religion. Et faites très attention, frère en Allah, Azza wa Jal, au poussin d'Al Khawarij sur les différents salons, Ansar Tawhid et autres. Sinon, vous entendez de leurs mots, il n'y a rien, du matin au soir, aucun apprentissage de religion, Al-Tawaret, Al-Kofrbet, Tawaret, Tawaret, Tawaret, et ils vivent chez Tawaret. وَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّ الْحَاكِمِيَةَ لها أصل في القلب وفرع على الجوارح أي أن من ترك الأصل فقد كفر. فاسمعوا لهذا المثال، ما هو الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس؟ إبليس رد على الله حكمه ولم يقبل التكليف، قال أنا خير منه، ما قبل حكم الله عز وجل. فمعصية إبليس لم تكن معصية بالجوارح بل كانت معصية قلبية، أبى واستكبر، وهذه من أعمال القلوب، الإباء والاستكبار من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، وضدها الانقياد والتسليم، وهذه كذلك من أعمال القلوب. فإن الله عز وجل les hommes de science disent que l'hakimiya il a une origine, il y a un pilier, une origine dans le cœur, et un détail sur les membres, que celui qui délaisse le fondement qui est dans le cœur, celui-là, il avait cru. Écoutez cet exemple que donnent les hommes de science. C'est quoi la différence entre la désobéissance d'Adam et la désobéissance d'Iblis. Iblis a rejeté le jugement d'Allah, il n'a pas accepté l'obligation que lui a fait Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit, moi je suis mieux que lui. Allah lui a donné l'ordre de se prosterner à Adam, et lui il a dit, ah, je suis mieux qu'Adam, hein? Je suis mieux que lui, je refuse de me prosterner. Donc il a rejeté, il n'a pas accepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Donc, la désobéissance d'Iblis n'a pas été un acte qu'il a fait avec ses membres, mais il a été avant tout un acte qui émane de son cœur. Le refus et l'orgueil, ce sont des actes du cœur. Et le contraire du refus et de l'orgueil, c'est la soumission. Le conditionnement et la soumission. Et ceci, et la soumission et le conditionnement, fait partie des actes du cœur. فالمؤمن إخوة الإسلام بعد التصديق فالمؤمن إخوة الإسلام بعد التصديق ينقاد ويستسلم ثم قد يفعل وقد لا يفعل كآدم عليه السلام قبل حكم الله قبل حكم الله ثم فرط في الأداء بإغواء الشيطان له. Tu as des sons, frère Allah. Vous avez des sons dans le salon? Donc, le croyant, après avoir pris, avoir cru, avec son cœur, il se soumet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Après avoir accepté le hukm d'Allah, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, après que son cœur s'est soumis, hein, il va faire ou il ne va pas faire. Comme Adam alayhi salam, il a accepté le jugement d'Allah. Mais Shaitan est venu, il l'a détourné et il a été négligent. Wa min huna ta'lam anna alladhi la yunaffidhu hukm Allah la yu'tabaru rafidan li hakimiyatillah. كما يقول هؤلاء الذين يحكمون على المسلمين لأنهم يرفضون حاكمة الله ما الدليل عندهم لأنهم لم يطبقوا الشرع في واقعهم. Et partant de là, frère Allah Azza wa Jal, tu sais que celui qui ne met pas en application la sentence de Allah subhanahu wa ta'ala, le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas considéré, on ne le considère pas comme quelqu'un qui refuse le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils le disent ces activistes qui décrète que si le musulman ne met pas en application, donc ça veut dire qu'il a refusé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la preuve pour eux? C'est parce qu'il n'a pas accompli la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie. Et eux-mêmes, ils n'appliquent pas la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vie. Regardez le mensonge qu'ils font. Vous avez le monde, le vol, délaisser la prière en groupe, la vente des drogues, et aussi le fait de se raser là-bas, pour avoir des points de sécurité. Soi-disant pour fondre dans la masse. Ça. Et pour comprendre un petit peu au mieux, nous allons simplifier au plus simple. Et un exemple que donnent les hommes de science, c'est quelqu'un à qui on a prêté de l'argent. On va le voir, on lui dit, frère en Allah Azza wa Jal, tu dois tant. Il te dit, je ne dois rien. Teto. Il a nié complètement. Et un deuxième, on lui prête de l'argent. On va le voir, on lui dit, frère en Allah Azza wa Jal, telle personne t'a prêté de l'argent. Tu dis, oui, il m'a prêté. Le premier, il a dit, on ne m'a rien prêté. D'accord? On ne m'a rien prêté. Le deuxième, là, on va le voir, il dit, on m'a prêté, mais je ne rendrai pas. Il refuse. Le troisième, on va le voir. Il lui dit, on t'a prêté de l'argent. Il te dit, oui, je vais rendre, Inch'Allah. Peut-être qu'il va être laxiste. Il va mettre du temps à... Il va pas rendre tout de suite, et ainsi de suite. Tu vois, ces trois personnes, hein, les deux premiers, rentrent dans la mécréance, parce que Hadak lui a dit, non, on t'a prêté. Allah, comme celui à qui on dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait obligatoire la prière, il dit, non, il n'y a pas de prière. Ah, là, naturellement, sa mécréance est claire. Le deuxième, il est dans la même catégorie que Iblis. On lui dit, hein, on t'a prêté. Il dit, oui, vous m'avez prêté, mais je ne rends pas. Jamais je rendrai. C'est comme celui qui dit, la prière est obligatoire, mais jamais je la ferai. Il refuse. Et ça, c'est du domaine de la mécréance d'Iba, qui est la mécréance d'Iblis. Le troisième, il dit, vous m'avez prêté, mais je vais rendre, Inch'Allah. Il va faire ou là, il ne va pas faire, il va être long, etc. Donc, ceci pour que comprendre. كذلك أمر مهم في قضية الالتزام. ما يقوله البعض. Donc pour ces trois catégories de personnes dans cet exemple, les deux premiers, il est clair, c'est les mécréants. Mais le deuxième qui a dit, Inch'Allah, je vais rendre, il n'est pas. Ce n'est pas parce qu'une personne qui accepte les lois de Allah subhanahu wa ta'ala et par faiblesse, parce qu'il ne met pas en application, on le rend mécréant comme ça. Akhal Islam, ce n'est pas ça. Comme font Hadou, quand ils entendent le coffre de Tarot, etc., parce qu'il ne met pas en application, hein, alors qu'il accepte, il le décrète mécréant. Sallallahu alayhi wa ta'ala, salam al-afiyah. Kadalika, frère Allah, Azza wa Jal, البعض يقول فلان ملتزم وفلان غير ملتزم وهذا أخ ملتزم وهذا غير ملتزم هذا أخ الإسلام فيه شيء من تزكية النفس فقولي أنا ملتزم هذا معناه أن يزكي نفسي يستغفر الله عز وجل كل التزام c'est quelque chose qui a dans le cœur c'est l'acceptation certains disent aussi tel frère il est multazim, l'autre il n'est pas multazim. Et ça, il y a quelque chose, une thèse qui est à soi. Quand je dis que je suis multazim, ça veut dire que je fais de la thèse qui est à moi. Et sache que l'iltizam, c'est l'acceptation du cœur avant tout. L'origine de l'iltizam, c'est l'acceptation du cœur. فكل المسلمين الموحدين يعتبرون ملتزمين أي مكرين قبل التكليف ومع ذلك فإن فيهم المطيع وفيهم العاصي ولكن قول البعض انا ملتزم وفلان غير ملتزم هذا يعني ان هذا اتى بكل ما وجب عليه وهذا فرط ولم ياتي بكل ما وجب عليه فالالتزام كذلك من اعمال القلوب وياتي اللسان فيقرر قال عز وجل انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا بفضل الله عز وجل فوس الله pour ce qui concerne l'iltizam que tous les musulmans monothéistes sont considérés comme des multazimoun. C'est-à-dire, ils acceptent, ils ont accepté hein, les obligations de Allah. Mais avec tout ça, il y a parmi eux l'obéissant, il y a parmi eux le désobéissant. Il y a ceux qui mettent en application et ceux qui ne mettent pas en application, dans certains cas. Mais le fait que quelqu'un dise « je suis multazim » ou « Foulan n'est pas multazim », cela veut dire que celui-là il met en application tout ce que l'Allah a fait obligatoire. Et que l'autre qui n'est pas multazim, il est négligent. Il n'a pas accompli ce que l'Allah a fait obligatoire. Il sache que l'iltizam est un 10 actes du cœur, qui est l'acceptation et la langue et les actes viennent pour le confirmer. L'iltizam, sa base, est dans le cœur qui est l'acceptation. Et la langue, elle est. Et les actes viennent pour le confirmer, frère Allah Azza wa Jal. Il est dit dans le verset, certes, les croyants ont avis. La parole des croyants, quand on les appelle, quand ils sont appelés vers Allah, ils sont messagers pour qu'ils tranchent entre eux, pour qu'ils jugent entre eux. Et ils ne disent que Tout simplement, sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous obéissons. ويقول الشيخ ورجوعا الى مقدمة الشيخ يقول وانني لادعو الامة جميعا حكامها ومحكومها افرادها وفرقها واحزابها ان يؤمنوا جميعا حق الايمان بحاكمية الله العامة الشاملة لاصول الدين وفروعه. يقولون لا خفاص على الانتروكسيون دو الشيخ ربيع حفظه الله دي جابيل توت لا كوميونتي. J'appelle toute la communauté, que ce soit les gouverneurs ou les gouvernés, les individus, les groupes et les partis, qu'ils croient tous en la hakimiyya d'Allah, en le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, général, qui englobe toute la religion, les fondements de la religion et les détails de la religion. ويقول لهم كذلك وان يلتزموا بها كل الالتزام في اصول الدين وفروعه. Il dit qu'ils s'y comprennent, qu'ils l'acceptent. La complète acceptation dans les fondements de la religion et dans les détails de cette religion. Il dit Habibullah Ta'ala wa ad'u ru'asa ad-duwal man kana minhum multaziman bihakimiyatillah wa qassara wa law fi shay'in min at-tatbiq an yaltazima bit-tatbiq al-kamil fi kulli al-mayadin fi al-aqa'id wal-ibadat wal-mu'amalat fi al-iqtisad wal-siyasa wa fi bab al-amr bil-ma'ruf wal-nahy 'an al-munkar. Et il dit, Habibullah Ta'ala, et je demande aux présidents des pays et aux gouverneurs des pays, celui qui a accepté le jugement de l'Allah et qui est négligent dans certaines applications, qu'elle mette en application complètement et dans tous les domaines, et qu'elle mette en application les lois de l'Allah dans tous les domaines, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau du comportement, de l'économie, de la politique, au niveau du fait de redonner le bien, de blâmer le mal. ويقول لهم كذلك حفظ الله وان يجدوا في محاربة الشرك والبدع وفي محاربة المعاصي والمنكرات وخصوصا الربا وسائر الكبائر التي تضر الأمة وأخلاقها فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وليستشعروا أن الله سائلهم عن كل صغيرة وكبيرة حتى تقعوا تحت مسؤوليتهم كلهم تحت مسؤوليتهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Il leur dit, حفظه الله تعالى, et je leur demande de faire des efforts à combattre l'associationnisme, les innovations, et à combattre toutes sortes de désobéissances et toutes sortes de choses blâmables, surtout l'intérêt et toutes les formes de grands péchés qui font du mal à la communauté et au comportement de la communauté, au bon comportement de la communauté. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fait prévaloir avec le pouvoir ce qu'il est parfait avec le Coran, et qu'ils sentent qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur poser des questions sur le moindre chose et sur les petites choses et sur les grandes choses qui sont sous leur tutelle et sous leur responsabilité. Il leur rappelle ce hadith du prophète alayhi sallam, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Dans l'islam, الحاكمية التي تكلم عنها الشيخ في هذه الفقرة هي الحاكمية العامة الشاملة من أول فروعها وأعلاها لا إله إلا الله إلى آخرها وأدناها نافة الأذى عن الطريق, وهي التي دعا ولاة أمور المسلمين أن يتمسكوا بها. فإن الله عز وجل الحاكمية dont a parlé الشيخ ici dans ce passage, c'est la حاكمية générale qui englobe toute la religion, là du début. La ilaha illallah, jusqu'au fait d'enlever le mal sur le chemin. Et c'est vers cette hakimiyya que Cheikh appelle les gouverneurs des pays de l'islam. Et c'est vers cette hakimiyya que Cheikh Rabi demande aux gouverneurs des pays de l'islam de mettre en application. ومن قبل الشيخ ربيع تفهم معنى كلمة ملتزم, حيث قال حفظ الله ملتزما بحاكمية الله وقصر, أي مقرا بقلبه ولسانه, لكنه قصر من الناحية العلمية. Et c'est de la parole du Cheikh Rabi qui comprend la signification réelle du mot ملتزم, puisqu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve ملتزم بحاكمية الله, ça veut dire acceptant la hakimiyya d'Allah, mais il a été négligent. C'est-à-dire, il a approuvé avec son cœur, il a accepté avec son cœur et avec sa langue, mais il a été négligent au niveau du fait de la mettre en application. Hadababarakallahu fikum. Wa yaqulu habibullah ta'ala, wa lak وأذكرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ولي يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث في صحيح البخاري. اللي هدي وسي غطي الغوبرنار اللي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دي شاك غوبرنار كي غوبرن دي مسلمون المور alors qu'il les a trahis الله سبحانه وتعالى lui interdit le paradis. الحديث اللي اونتونتيك اللي شيخ الامام البخاري اللي غابل اوسي سو حديث قول عليه الصلاه والسلام وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحه الجنه. الحديث كذلك في صحيح البخاري اللي غابل اوسي حديث قول عليه الصلاه والسلام: شاك سيرفيتور كي يوغا لا تيتيل سور كي سرا غوفرنور كي يوغا لا ريسبونسابيلتي دو جون اي كو il ne prodigue pas de conseils à ceux qui sont sous cette tutelle, il ne trouvera pas l'odeur du paradis. C'est encore un hadith chez le Bukhari. Et on dit que les savants de l'islam et des salafis ne conseillent pas leur gouverneur. Bien sûr, ils les conseillent. Mais ils ne font pas comme les hizbis, à les insulter et à prétendre, des fois à divulguer et à des fois à prétendre des choses. Je ne sais pas d'où ils les tiennent. Ils n'ont même pas de preuves sur les accusations qu'ils émettent contre les gouverneurs, etc. ويقول حفظه الله تعالى: ومن النصيحة للأمة حملهم على الالتزام بحكم الله وشرائعه بالتعليم والتوجيه والترغيب والترهيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والأخذ بكل التدابير التي تدعوهم إلى احترام شرع الله عقيدة وعبادة وسياسة وأخلاقا. Et il dit, Abdallah Ta'ala, il fait partie du conseil de la communauté, toujours en s'adressant au gouverneur, il fait partie du conseil pour la communauté, c'est que on les porte à accepter, on porte la communauté à accepter les lois de Allah et ses législations par l'enseignement, par l'orientation, par l'incitation, par le fait de leur faire peur, par le fait de leur donner envie, par le fait de leur donner le bien, par le fait de blâmer le mal, par le fait d'accomplir les sentences, par le fait de prendre tous les moyens et de mettre tous les moyens pour les appeler à respecter la législation d'Allah, que ce soit au niveau de la aqida, au niveau de la des adorations, au niveau de la politique, ou là au niveau du comportement. ويقول حفظه الله: وأدعو رؤساء الدول في البلاد الإسلامية الذين لم يلتزموا شريعة الله أن يرجعوا إلى الله وأن يحترموا دينه المتمثل في كتاب الله والسنة وأن يلتزموا بعقائد هذا الدين وأحكامه وأن يعتزوا بذلك فإن فيه العزة والكرامة. Il dit, Abdallah Ta'ala, en s'adressant aux présidents des pays de l'islam, ceux qui n'ont pas accepté la législation d'Allah, qu'ils reviennent vers Allah, qu'ils respectent la religion d'Allah, qui est présenté par le livre d'Allah et le cantique de la Sunna de Mohammed, et qu'il se cramponne aux croyances de cette religion et au jugement de cette religion, aux sentences de cette religion, et que cette religion soit leur honneur, car dans cette religion il y a leur gloire, leur honneur et leur suprématie. ويقول حفظه الله تعالى: وإن الذل كل الذل والهوان في الخضوع لقوانين يضعها أحط البشر من أعداء هذه الأمة يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو ملحدين. وأن يحترموا مشاعر الأمة الإسلامية التي جاهدت وناضلت وضحت بالملايين من أبنائها لتحقيق غاية نبيلة هي أن يحكمها الإسلام، والإسلام فقط دين الله خالق هذا الكون وخالق الجن والإنس لعبادته وحده وللخضوع لشرائعه وحده، فليلتزموا شريعة الله وليلزموا بها الأمة عقيدة وأخلاقا وتعليما ومناهج إسلامية يقوم عليها التعليم والتربية. Et il dit, Habibullah Ta'ala, toujours dans sa lancée dans le conseil au président et au gouverneur du pays de l'islam. Et tout l'avilissement, toute la bassesse vient du fait que qu'on obéisse à des lois qui ont été instaurées par des humains qui sont les ennemis de cette communauté, que ce soit les juifs, les chrétiens, les zoroastriens, les athées. Et que les gouverneurs doivent respecter les sentiments de cette communauté islamique qui a fait des efforts et qui a combattu et qui a sacrifié beaucoup de ses enfants pour arriver à ce but noble qui est le fait d'être gouverné par l'islam. Et l'islam seul est la religion d'Allah, le créateur de cet univers, le créateur des djinns et des humains pour l'adorer. Il les a créés pour l'adorer uniquement et pour être soumis à ses lois seulement. Et qu'ils se cramponnent à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils acceptent la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils l'imposent à la communauté, que ce soit au niveau de l'aqida, au niveau du comportement, au niveau de l'enseignement et aussi au niveau des manages, des méthodes de l'enseignement, qu'ils soient des méthodes islamiques et que ce soit des méthodes islamiques sur lesquelles se base l'enseignement et l'éducation. Regardez ce noble conseil de ce noble cheikh aux différentes. Il a conseillé les individus, il a conseillé les gouverneurs, il a conseillé la communauté, tout le monde. Et après on dit que les hommes de science ne conseillent pas et ne remplissent pas leur devoir. Par Allah, ils remplissent leur devoir selon leur capacité et ils le font. Wa huna barakallahu fikum hatta tadhah الأمور لنا حكام ورؤساء الدول الإسلامية الذين لم يلتزموا بالشريعة فعدم التزامهم يعتبر كفرا لكن من حيث الأعيان والأفراد لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وفهم الله عز وجل وسكي كونسير pour que les situations nous deviennent claires. Pour que la situation nous devienne claire, les gouverneurs des pays de l'islam, qui ne mettent pas en application le fait qu'ils n'acceptent pas la législation islamique, ce fait-là, c'est un acte de mécréance. Mais au niveau des individus, on ne peut pas décréter qu'il est mécréant, car pour qu'il soit décrété qu'il est mécréant, il faut que tous les obstacles soient anéantis et que toutes les conditions soient réunies. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous prenne ce sainte miséricorde. Il n'y a que les hommes de science qui peuvent le faire. فَلَا بُدَّ فِي تَكْفِيرِ الْأَعْيَانِ مِنْ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ وَهَذَا لِأَهْلِ الْعِلْمِ الرَّاسِخِينَ فَلَا نَكُنْ مِثْلَ هَؤُلَاءِ التَّكْفِيرِيِّينَ فِي فَرَنْسَا وَأُوروبَا الَّذِينَ يَقُولُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَطْ فِي الْقُرْآنِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ فَلَا نَسْأَلُ مَسَاكِينَ هَؤُلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ هُمْ أفضل منهم علما يسألون وهؤلاء عندما يسمعون يتكلمون لا يحسنون حتى النطق بالعربية ولا فهم دقائق الأمور فإلى الله المشتكى ماذا تريدون هذا زمان الرويضة لأن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ندل لك الرويضة pour ce qui est du domaine de rendre un individu mécréant il dit critique qu'il est mécréant. Il n'appartient ni à toi, ni à moi, ni à personne. Il appartient. Ça, c'est une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est aux hommes de science de le faire, ceux qui ont le bagage pour le faire et qui sont dignes de cette science, qui sont dignes de l'héritage de Mohammed alayhi salatu wasalam. Quand on entend, barakallahu fikoum, quand on entend cette cuillère de France ou la de Belgique ou d'un petit peu partout en Europe, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné tout simplement de demander aux hommes de science quand on ne sait pas. Mais ce que nous voyons devant nous, c'est une mécréance claire, donc on ne demande pas. Ce sont des mécréants. Ces pauvres gens, ils sont pauvres. Mieux que eux poser des questions aux hommes de science, et ceux-là, quand ils les entendent parler, ils ne maîtrisent même pas la langue arabe. Subhanallah. Ils n'ont même pas la compréhension saine. Ils ne plaignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'époque des Rouaïbida, de l'insensé dont a parlé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Notre plainte est à Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى écoutez maintenant ce passage il le réserve au conseil aux hommes de science et aux du'ats et aux groupes qui existent et il dit حفظه الله ومتع به واطال عمره في محاربة الحزبية وفي نصرة هذا المنهج السلفي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه الصحة والعافية. يجي حفظه الله تعالى. وإني أهيب بعلماء الأمة ودعاتها وأحزابها وفرقها أن ينصحوا للأمة جميعها شيبها وشبابها ذكورها وإناثها فيجمعهم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى من فقهاء ومحدثين ومفسرين في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والاقتصاد وسائر أمور الإسلام والإيمان وأن يدركوا حق الإدراك أن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون يتناول الأفراد والجماعات والحكام والمحكومين وأن قصرها على الحكام فقط دون أهل الأهواء والضلال الذين لم يحكموا شريعة الله في عقائدهم وعبادتهم وأخلاقهم من الجهل والضلال والغباء فقد أنزلها الله في اليهود يوم أنزلها وليس لهم دولة من قرون أنزلها فيهم وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة. إلجي حفظه الله تعالى يكتب سو باساج سو باساج de ce noble homme de science et sachez que nous on vénère pas les hommes. On respecte nos savants et on accepte la vérité de tout homme de science est digne du nom, qui respecte la voix de ses plus aïeuls et qui défend la voix des plus aïeuls et qui défend la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et regardez ce conseil qui fait, je demande aux savants de la communauté, à ses prêcheurs, à ses groupes, à ses partis, qu'ils conseillent la communauté, qu'ils conseillent toute la communauté. Les vieux et les jeunes, les hommes et les femmes, et qu'ils les réunissent sur le livre d'Allah et la sunna de son messager, et sur la voie et la compréhension des plus aïeuls, qui sont les compagnons, leurs successeurs, et ceux qui les suivent à la perfection, parmi les imams de la guidée, qui sont les fuqaha, parmi les fuqaha, les jurisconsultes, les muhadditoun, les exégètes, dont l'aqida, hein, et dans l'ibada, et dans le comportement, et dans l'adoration, et dans l'économie, et dans toutes les situations de l'islam et de la foi. Et qu'ils sachent réellement, et qu'ils comprennent réellement que la parole d'Allah, qui dit, et celui qui ne juge pas avec cela, ce qu'on a descendu cela, ce sont les mécréants, et dans l'autre verset, ce sont les injustes, et dans l'autre verset, ce sont les pervers, cela concerne les individus. Concerne les groupes, concerne les gouverneurs, concerne les gouvernus, les gouvernés, les peuples. Et le fait de la limiter tout simplement aux gouverneurs, sans la donner aussi aux gens de l'innovation, aux gens de l'égarement, aux gens qui suivent leur passion, et ceux qui ne mettent pas en application la législation de l'Allah dans leurs croyances et dans leurs adorations, dans leurs comportements, ceci est l'ignorance, et ceci est l'égarement, et ceci c'est être insensé. Allah a descendu ces versets sur les juifs. Hein? Et le jour où il a descendu sur les juifs, ils n'avaient même pas de pays depuis des siècles. Depuis des siècles, ils erraient. Et l'avilissement est tombé sur eux. Frère Allah Azza wa Jal, ce passage est très important. Fatadakkar hada. Hadi l'ayat. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون تدبرها جيدا فأسباب النزول توضح لنا الأمور وتعين على الفهم السديد إذا اعتنى به أئمتنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله الأحياء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون أنزلها الله في اليهود ولم تكن لهم دولة لكن الله كفرهم لأنهم لم يحكموا الشرع في أنفسهم ليس بأنهم لم يلتزموا فالله عز وجل حكم في التوراة بأن الزاني المحصن يجلد فجحدوا هذا الحكم وأخفوه ثم زعموا أن الله حكم فيه بالتحميم فكتموا الحق من جهة ثم لبسوا الحق بالباطل من جهة أخرى وكذبوا على الله فبدلوا حكم الله الذي في التوراة، فهم بهذا كتموا وكذبوا على الله، وهذا هو التبديل الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. لأن الله عز وجل ميدت ce passage bien. Et sache que les causes de la révélation nous éclairent les situations et nous aident à la compréhension et nous donnent la compréhension saine. C'est pour ça que les imams de l'islam, que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde les morts et qu'il préserve les vivants, se sont occupés de cette science qui concerne les causes de la révélation. En ce qui concerne ces versets, celui qui ne juge pas avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, ce sont les injustes, ce sont les mécréants, ce sont les pervers. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a descendus, il concerne les juifs. Sa cause de sa révélation, c'est les juifs. Alors qu'ils n'avaient même pas d'état. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a abrondis mécréants. Parce qu'ils n'ont pas mis en application la sentence d'Allah sur eux-mêmes. Pas parce qu'ils n'ont pas accepté, parce qu'ils ne l'ont pas mis en application. Car Allah azza wa jal a décrété dans le Torah que Zan est celui qui marié et qui a commis l'adultère, il faut lui donner des coups de fouet. Et là, ils n'ont pas reconnu cette sentence, ils l'ont mis de côté, ils l'ont caché. Ils ont prétendu que Allah subhanahu wa ta'ala a tout simplement décrété comme quoi il faut passer son visage avec du charbon, noircir son visage. Et donc ils ont caché la vérité d'une part, et d'autre part, ils ont déguisé la vérité avec le faux. Et donc, ils ont monté sur Allah, Azza wa Jal, et ils ont changé aussi la sentence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Torah. Et donc, ainsi, ils ont caché. Ils ont monté sur Allah. Et ça, c'est le changement de la loi qui fait sortir celui qui le fait, comme l'ont fait le juif de l'islam. فهذا التبديل الذي أصله يهودي أنك تخفي حكم الله الذي نزل من عنده ثم تأتي بحكم آخر تنسبه إلى الله، فهذا هو التبديل، وهو تبديل اليهود، وفيهم نزلت الآيات التي معنا في هذه الفقرة، ومن كان على شكلتهم لصق بهم، والذي يشابههم فقط في جزء من الأجزاء لا يكون مثلهم من كل الوجوه، وإنما فيما شابههم. Allah Azza wa Jal, cette façon de faire, cette pratique qu'ont fait les juifs, qui est le fait d'avoir monté sur Allah, d'avoir changé aussi la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir changé ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme loi, et de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la façon de faire du juif. Et ces versets, et celui qui ne juge pas avec cela, pendant qu'elle a descendu, ce sont les mécréants, ce sont les pervers, ce sont les âges, est descendu sur les juifs. Parce qu'ils ont fait ce que tu as entendu, frère en Allah, Azza wa Jal. Et ceux qui agissent de la même sorte sont comme eux. Et ceux qui leur ressemblent dans une petite partie, ben ils sont comme eux juste dans la petite partie où ils leur ont ressemblé. Comprends bien ça, frère en Allah, Azza wa Jal. Comprends-le très bien. Regarde ce. Parce que, Hadou, ces versets, comme on dit les exégètes de cette communauté sont descendus sur les mécréants, et Hadou, les poussins, les Khawarij en Europe, sont en train de l'éclater sur les gouverneurs du pays de l'islam. Alors qu'il n'y a même pas de preuve qui a été accomplie contre un gouverneur de l'islam. Donc, je répète encore une fois, ce changement qui sort de l'islam, c'est comme ce qu'ont fait les juifs. C'est-à-dire, ils ont la sentence qui est venue min Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont cachée. Et ils ont dit non. Allah tout simplement a décidé qu'on colore le visage de celui qui est marié ou qui a été marié. Quand il commet l'adultère, qu'on colore son visage avec du charbon. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de côté la loi que l'Allah a instaurée, qui est le fait de lui donner des coups de fouet. Ils ont caché la loi d'Allah, ils ont ramené une autre. Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils ont agi ainsi, il a décrété qu'ils sont mécréants. Donc le fait d'agir ainsi, il est évident que ça sort de l'islam. Hein? Et celui qui ressemble dans son acte, comme ils ont fait le juif, il a cette sentence qu'ils ont eue. Et celui qui le ressemble dans un détail, ben il le ressemble tout simplement dans ce détail. Hein? Comprends ça bien, comme ça tu ne te fais pas avoir, frère Allah Azza wa Jal, quand tu entends Kufr bit Tahout, Yakfur bit Tahout, etc. Tout ça, et tout ce sujet, mais croire en Tahout, etc., pour le maîtriser, il faut revenir vers les ondes de science, frère Allah Azza wa Jal. Reviens vers les ondes de science, dignes du nom, les grands de cette communauté, pour que tu ne te perturbes pas. Il vaut mieux que tu te trompes. En disant de quelqu'un qui est tombé dans la mécréance que c'est un musulman, que tu te trompes en disant d'un musulman qu'il est mécréant. Comme le décrétaient les hommes de science. Et comprends ça bien, barakallahu fik. Fasami'tum, fi hadhihi al-muqaddima kayfa bada'a al-shaykh ubayyin lana ma 'alayhi haula'i al-mukhalifuna li manhaj al-anbiya. Fataba'a al-shaykh Rabi' la yatakallamu 'an al-marikh aw zuhal, wa innama yukallimuna biman hawlana. من أقسام التكفير والتفجير والتهوير والتحميس. Tu as entendu, frère, en Allah Azza wa Jal, ce passage dans cette introduction de Cheikh Rabi, comment il a commencé à nous éclairer sur la voie de ceux qui sont en divergence avec la voie d'un da'wah il Allah des prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et naturellement, Cheikh Rabi, il ne parle pas des gens de Jupiter, ni des gens qui sont dans la Lune. Mais il ne parle de gens qui sont autour de nous. Il ne parle de ces poussins d'Yelkfir. Hein? Regarde comment les hommes de science comprennent réellement notre réalité et le quotidien dans lequel nous vivons. Et si ce sera le point où nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.